qu'il faut le... En fait, quand tu mets la MIDI file, il faut pas mettre les trucs sur la pure. Thank you.